Bonjour, bienvenue au Salon d'écoute pour ce deuxième partage d'écoute. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Madeleine Leclerc, qui est la responsable des archives internationales de musique populaire du Musée d'ethnographie de Genève. C'est notre, elle est là tous les ans. C'est devenu une tradition. Elle s'empare de thématiques qu'on lui souffle, qui sont liées à chaque édition du festival. L'année passée, on était dans quoi les guimbardes, les rombes et les... Enfin, c'est... L'année précédente, c'était... Je ne sais plus. Voilà, bref. Et cette année, j'ai un peu dit, j'ai un peu soufflé le souffle. Le souffle, le vent, l'air. Et voilà, je n'en sais pas plus. Les archives, c'est beaucoup, beaucoup de matériel. Les archives populaires, c'est aussi tout du matériel qui a sur différents supports. Mais là, on n'a pas amené les rouleaux de cire et les... Oui. Donc, on va entendre des fichiers numérisés. Voilà. Merci, Marie. Merci et bonne écoute. Et Madeleine va présenter peut-être un peu avant, oui. Après. Oui. Voilà. Une petite, je crois que toi, tu es là. Oui, j'ai le micro. Oui, on a le micro dans la salle. Oui. Mais merci d'être ici aujourd'hui par cette magnifique journée. Donc, j'apprécie vraiment l'effort que vous faites pour venir ici un dimanche. C'est donc une sélection sur le thème du souffle. Que j'ai préparé à partir de musiques qui sont conservées dans les archives internationales de musique populaire, les AIMP. Il y a 18 enregistrements que j'ai choisis sur le thème du souffle, donc, d'une manière un peu large. Donc déjà le souffle, le vent, l'air, ce qui est particulièrement difficile à enregistrer et qui est même un défi technique pour les preneurs de son. Le souffle qui est sonorisé à travers certains instruments de musique, notamment les flûtes. Également le souffle... qu'est-ce que j'ai mis ici? Pardon. La respiration, l'inspiration qui provoque une sonorité assez marquée et qui est parfois utilisée comme élément rythmique. Et le dernier petit chapitre, c'est un chapitre un peu plus technique, donc le souffle sur les bandes magnétiques et le bruit du souffle et du vent dans les micros. Donc il y a 18 enregistrements qui sont relativement courts, structurés autour d'un enregistrement plus important, plus long, qui fait 11 minutes et que j'ai choisi de garder. C'est un enregistrement de shakuhachi qui est joué par Teruhisa Fukuda, qui est un maître de cet instrument, et la maîtrise consiste justement à contrôler d'une manière très très fine la respiration, le vent et le souffle. Donc c'est une esthétique autour du souffle. Il y a des musiques qui proviennent des 5 continents et je pourrais dire un tout petit mot à l'issue de cette sélection qui dure environ 45 minutes. Donc merci. Merci. On aura, si jamais, à disposition, mais pas tout de suite, mais à la fin, un papier qui pour garder trace de chaque référence. Merci. Bonne écoute. Mm-hmm. Sen Kira, kira, kira, sandi bicho, wa urima bikunda. qui la sème en couti, Andy Wanigolo, Nakuba Maya, Nakuba Maya, Kanaka, Mateka, Kaka, Tanya Moku, Kadia, Gomba Mundi, Holy Rane, Kanama Genga Tenet, Sekita Rabele, Kandi Batia, Kibama Kaki Kuma. Thank you. Thank you. Thank you. Merci de votre écoute. Donc, dans l'ordre, vous avez écouté des musiques enregistrées le plus souvent sur le terrain, sauf un enregistrement studio, enregistrées aux îles Salomon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Turquie, au Mali, en Mongolie, au Burundi, au Panama, au Japon, pour la musique de Shakwashi, le long extrait de Shakwashi. Ensuite, Papouasie-Nouvelle-Guinée encore, en France, les Grillons, au Brésil, en Amazonie, en Espagne et au Botswana. Le bruit du vent dans les micros, c'était pendant le tournage d'un film au Botswana. Merci de votre attention. Merci Madeleine. Merci.